إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous avons commencé la semaine dernière le hadith numéro 2 des 40 Nawawi, qui est connu sous le nom de hadith Jibril. Et on avait vu notamment le début de l'explication par Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah, et aussi quelques points de Cheikh Mohamed Amel Jami Rahimahullah. Et on avait vu aussi on s'est arrêté je crois lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce que disait le shir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que deux fois Jibril sous sa forme véridique, seulement deux fois. Et il y avait un frère en fait qui avait demandé en fait notamment sur ça, Inch'Allah. Naam. Eh bien, la première vision. Alors, qu'est-ce que disent déjà les savants ? Ils disent الذي تقرره الأدلة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين اثنين فقط. Donc ce qui est connu, d'accord, et ce que les preuves claires mentionnent, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu Jibril dans sa forme, dans son, l'image qu'Allah Azza wa Jalla a créée, d'accord, sous cette forme-là, uniquement deux fois. وقد عد السيوطي رحمه الله هذا الأمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الخصائص الكبرى. Et donc, الرؤيا الأولى, la première vision, c'était كانت في الأرض في بداية الوحي, c'était au début de la révélation, d'accord. ونزلت عليه بعدها سورة المدثر. D'accord. Que par la suite, la سورة المدثر, eh bien, a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On se rappelle, la سورة qui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam prophète, c'est voilà, celle qui est Iqra, c'est Al-Alaq. Et celle qui a fait de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un envoyé, c'est Surat al-Muddathir. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة أي انقطاع الوحي فقال في حديثي. Donc là, Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, il dit que j'ai entendu l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم qui parlait à propos du fait qu'il y avait la révélation qui avait été suspendu un moment. D'accord. فبيننا انا امشي اذا سمعت صوتا من السماء. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit alors que je marchais, j'ai entendu une voix dans les cieux. D'accord. فرفعت راسي, j'ai levé ma tête. فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض. Il voyait donc l'ange qui lui était venu à la lorsqu'il était à la grotte de Hira, il l'a vu là qui était dans les cieux assis sur un coursi entre les cieux et la terre. فجثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى الرز فهجر. Donc c'est يا أيها المدثر, d'accord, et puis jusqu'à إلى الرز فهجر. Donc, Rawa al-Bukhari au Muslim. Donc là, il dit, eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que je marchais, j'ai entendu donc une voix des cieux Et j'ai levé la tête et j'ai vu donc l'ange qui m'était venu lorsque j'étais à la grotte Hira. D'accord? Et puis il dit, il était assis donc sur un corsi entre les cieux et la terre. Et donc moi, en le voyant, donc j'ai eu peur. Alors j'ai dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'Allah Azzawajal ensuite a révélé la sourate Al-Muddathir. Donc c'est l'envelopper. Jusqu'à Ya Ayyuhal Muddathir, ça c'est le début de la sourate, ou Ar-Ruz Fahjur. D'accord? Et donc, yani, désavoue-toi, yani, de rouge, c'est tout ce qui est donc les idoles. D'accord? رواه البخاري ومسلم وهذه الرواية هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ولقد رآه بالأفق المبين. Donc ça c'est la preuve du verset dans sourate At-Takwir, verset 23. Il l'a effectivement vu, yani Jibril, au clair horizon. D'accord? قال الحافظ بن كثير رحمه الله يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على السورة التي خلقه الله عليها له. D'accord? Donc là, Ibn Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril. A vu Jibril, donc, dans l'image, comme Allah Azza wa Jalla l'a créé. Non, là, il l'a vu deux fois. Non? Oui, mais justement, ça, c'est une preuve qui mentionne aussi qu'il l'a vu lors de clair horizon. Tu vois, lorsqu'il l'a vu entre les cieux et la terre. Tout ça, ça se rejoint, ça. D'accord? Il l'a vu sous sa vraie... Sous sa vraie image. Voilà, ces trois, en fait, ces deux-là, c'est sous sa vraie image. C'est sous sa vraie image, voilà. Après les autres, comme l'avait mentionné le Cheikh Salah Fawzen, c'est que Jibril venait souvent sous l'image d'un homme. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Yes, alhamdoulilah. Donc là, ce sont, d'une part, ce verset-là dans Sourate At-Takwir, verset 23. Il l'a effectivement vu, Jibril, au clair horizon. Et puis... ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. La deuxième fois, là, d'accord, dans Sourate An-Najm 13-16, ce qui est mentionné. Donc, la première fois, vous la trouvez dans la preuve dans Sourate At-Takwir, verset 23, et la deuxième fois dans Sourate An-Najm, verset 13-16, d'accord. Donc ça, ce sont pour les deux fois, d'accord. Et là, ce sont les preuves, donc, comme, et clairement, comme l'a dit donc le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah. Donc, là, il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, on continue donc le hadith. Donc, Inch'Allah, c'est... T'as pas ramené le tien, Adil, le livre. J'en ai jamais eu. Ah, t'en as jamais eu, subhanallah. Je vais suivre avec moi. D'accord. Je devrais les avoir la semaine qui vient. Donc pour dimanche prochain, je devrais les avoir. Inch'Allah. Inch'Allah. Sinon, je peux éventuellement prendre Riyad Sadrin. Ah oui, si tu l'as. Mais après, ouais, de toute façon, ouais. Parce que tu vois, il y a plusieurs hadiths dans le... Ouais. Sauf si tu peux le retrouver, là. Hadith ça, numéro 2. Je vais avoir mon numéro 2. C'est ça. Bon. C'est pas grave, Inch'Allah. Bon. Donc, Inch'Allah, juste... si tu peux nous... Tu peux nous relire, Mohsen, le hadith, même sur la traduction. Après Omar, un jour, alors qu'il était sur la suite auprès du messager d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous le connaissait. Il prit place face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Et lui dit, comme ça. Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, l'islam consiste en ce que tu témoignes, qu'il n'y ait de divinité, digne d'adoration qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et l'on avait clarifié à Non. Non. Et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplis les rites et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah, si tu en as les moyens. Non. Son interlocuteur lui répondit, tu as dit vrai. Et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver, puis il reprit, informe-moi sur la foi. El-Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, La foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes. Au jugement dernier, tu dois croire encore au destin qui te sera favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore, tu as dit vrai, et il reçut. Informe-moi sur la bienfaisance, l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, qu'est-ce que lui te voit? L'homme lui dit encore, informe-moi sur l'heure du jugement dernier, et le prophète lui répondit, sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit, mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète lui répondit, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se conférencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment, puis le prophète sera rappelé et dit, ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. Cet homme était l'ange d'Ibrid, il est venu pour vous enseigner votre religion, rapporté par Muslim. Donc ça c'est le hadith là qu'on avait commencé, donc l'explication, et on s'était arrêté comme je disais, donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu deux fois Jibril sous sa vraie image, et que la majorité du temps il venait sous une forme sous l'image d'un homme, et le Cheikh Salih Fawzan Hafidhullah avait expliqué que le fait que Jibril vient sous une forme sous l'image d'un homme, c'est pour ne pas effrayer les gens, parce que par exemple là, pour leur enseigner la religion, lorsqu'il est venu poser les questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yani, s'il serait venu avec son image, yani, comme Allah azza wa jalla l'a créé, eh bien les sahabes auraient pu avoir peur et donc auraient pu fuir. Donc, mais là, en venant avec l'image d'homme, eh bien ce qu'il y a, c'est que là, il y a pu avoir donc cette discussion-là entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner la religion aux sahabes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les deux preuves sont... Non. En plus, je veux dire, c'est un lit d'espace, il aurait pas eu assez d'espace pour le prendre. Non, non, mais juste le fait de le voir comme ça dans les cieux, ça... Ouais. D'accord, ça donne peur, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait eu peur. Et notamment, on avait mentionné les deux fois, donc on les trouve dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que alors qu'il était en train de marcher, parce que c'était lors, lorsqu'il y a eu la suspension donc de la révélation, il a dit alors que je marchais, j'ai entendu une voix dans les cieux, j'ai levé ma tête et j'ai vu l'ange que j'ai vu donc là dans la grotte de Hira. Et donc ce qu'il y a, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris peur et puis il disait enveloppez-moi, enveloppez-moi, c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a révélé la sourate Al-Muddathir, l'enveloppé. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur. Ça c'était la première fois. Ceci de ce hadith là est appuyé par le verset de sourate At-Takwir, le verset 23, wa laqad ra'ahu bil ufuq al-mubin. Donc là il l'a vu en fait à l'horizon clair. D'accord ? Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans... Et la deuxième fois, c'est lors de l'Isra wal Mi'raj, comme dans sourate An-Najm, verset 13 à 16, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidrat al-muntaha. Et donc il l'a vu une deuxième fois, donc au niveau de sidrat al-muntaha, là où est-ce que Jibril ne pouvait plus donc dépasser. Ça ce sont donc pour les deux fois. قوله, donc on en était maintenant à قوله شديد بياض الثياب, le fait que Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit dans le hadith que cet homme-là avait des habits d'une blancheur intense. Min al-nadafa wa qawluhu shadid sawad al-sha'r. Donc ça veut dire de la propreté, le fait que c'est blanc très intense. Et le fait qu'il a des cheveux au noir intense, yani fi suratin jamila. Ça veut dire qu'il est sous une apparence يعني بل سوزن بل أبارانس وفي هذا دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمل وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة. Donc il dit le cheikh, et ceci est une preuve que l'étudiant en sciences, lorsqu'il vient pour dans les assises de sciences, eh bien il se doit de venir avec une yani de façon présentable. Yani, être... Non, Voilà. Barakallahu fik. Lahu an yatajammal. Il se doit donc de s'embellir. Wa an ya'ti bi suratin nadhifa jamila. Il doit venir donc avec une belle apparence. Li'anna Jibril ja'a mu'allaman wa muta'alliman. Donc parce que Jibril est venu pour enseigner et puis pour être enseigné, pour apprendre. ومن ذلك أنه علمهم كيف يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc de par cela, il leur apprend aussi comment venir à l'assise du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. لأن مجلس العلم مجلس وقار واللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء بالعلماء ينبغي أن يكون له استعداد وإجلال العلماء مطلوب لأنك إذا لم تجل العالم وتحترمه لم تستفد من علمه فقوله فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه آداب لطالب العلم. Donc il dit, il donne ici l'importance en fait que l'étudiant en sciences donc se doit de s'embellir, avoir une belle apparence. D'accord. Et cela va du fait qu'il doit donner du respect au savant, à celui qui enseigne, lorsqu'il va le rencontrer. Lorsque, par exemple, on va rencontrer des savants, on va rencontrer des meshaykhs, on se doit d'avoir une bonne apparence en termes de respect pour que cela donne du respect au savant. D'accord. Donne du respect au savant ou à celui qui enseigne. Et puis, donner de l'importance et donner un certain niveau aux savants, c'est ce qui est demandé. Parce que si tu ne donnes pas ce respect-là aux savants, eh bien, tu ne pourras pas bénéficier de sa science. D'accord ? Tu ne pourras pas bénéficier de sa science. Et lorsqu'il dit « فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam » il s'assied auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, eh bien ça c'est le comportement de l'étudiant en science. Minha awwalan annahu yatajammal fi hay'atihi wa suratihi. Donc il se doit de s'embellir dans sa façon d'être et dans son apparence. D'accord. Thaniyan annahu yajlisu amama al-muallim muqbilan alayhi liyatalaqqa minhu al-'ilm. Donc il s'assoit en face de l'enseignant prêt à accepter, prêt à accepter donc de lui, de recevoir de lui, pardon, prêt à recevoir donc de lui la science. Voilà, yu'rad anhu. Et donc, c'est pas par exemple, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'asseoir en face de lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il va essayer de. Parce qu'il y en a, comme on décrit les mashaykhs, ils ont des comportements lorsqu'ils viennent, ils ne savent pas respecter, par exemple, les assises de science. Il y en a, ils se mettent à avoir des mauvais comportements, à parler d'une façon correcte, ou lorsqu'ils s'assoient devant le cheikh, ils lui mettent le pied devant, tu vois ce que je veux dire. Plein de trucs comme ça, tu vois. Et donc, ce qu'il y a, c'est que s'il ne donne pas ce respect-là, il n'est pas prêt à accepter, à recevoir la science, d'accord. أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل بل يكون مقبلا على المعلم بجسمه وبفكره لئلا تفوته فرصة التعلم. Donc il dit quoi? Il dit en fait que tu dois t'asseoir en face de lui, tu ne dois pas te détourner de lui, tu ne dois pas te retourner de lui. Tu ne dois pas te préoccuper, on va prendre, je ne sais pas moi, les téléphones, ou te préoccuper trop, ou bien commencer à parler. Il y en a qui faisaient ça. Le cheikh, il donne le cours, et puis il y en a, ils parlent entre eux, et tout cela, et puis ils parlent ce qu'ils vont faire, et ce qu'ils ne vont pas faire. Donc, subhanallah, ou bien l'autre, il est comme ça. Yani, tu vois. Donc, pourquoi il dit, mais il se doit d'être prêt à recevoir de l'enseignant. Et ce, ça de son corps et de son esprit, ils sont là. Son corps et son esprit sont là. Dans sa façon d'être, son corps et son esprit, ils sont là. D'accord ? Afin de ne pas rater quelque chose de l'enseignement. D'accord ? قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له وقريبا منه. وفي هذا أن طالب العلم يقرب من المعلم لتكون الفائدة متصلة. Donc il dit un autre comportement ici de l'étudiant en sciences, il se doit donc de se rapprocher de l'enseignant, d'accord ? Afin que le bénéfice يعني soit l'atteigne quoi, d'accord ? أما البعيد فإنه قد لا يسمع. Mais celui qui est éloigné, peut-être qu'il n'entendra pas, d'accord ? وإذا سمع قد لا يتوضح الصوت. Et peut-être que s'il entend, eh bien, la voix n'a pas été très claire, ne l'a pas atteint. D'accord ? فَإِذَا كَانَ قَرِيبًا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَيَسْتَوْضِحُ الصَّوْتَ تَمَامًا. Mais s'il est proche, eh bien, il peut entendre et entendre clairement donc la voix. وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُحْدِقُونَ بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَقْرَبُونَ مِنْهُ وَقْتَ تلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم. Il dit que les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se rapprochaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Ils se rapprochaient de lui lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur enseignait. قوله وضع كفيه أي وضع جبريل كفيه على فخذيه أي على فخذ جبريل. Donc il dit donc puis Jibril a mis donc ses mains sur les. Tu nous relis la partie du hadith inshallah barakallahu fik. Alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme vêtu d'une blancheur resplendissante, aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous le connaissait. Il prit place face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit « Oh Mohammed !» Ah voilà, donc c'est « Barakallahu fik, jazakallahu khair. » Donc c'est là, c'est bien Jibril qui pose donc ses mains sur ses cuisses à lui, d'accord, comme le cheikh Salah al-Fawzan l'a expliqué, l'a mentionné. Donc il a bien mis donc en fait pourquoi il explique ça, il dit que donc il s'est mis ses genoux contre les genoux et c'est pas il a mis ses mains sur les cuisses du professeur Hassan, mais il a mis ses mains sur ses cuisses à lui. D'accord. وهذا فيه ان المتعلم ينبغي ان يكون بصوره هادئه مؤدبه ولا يكثر من الحركات أو من الالتفات. Et là, il explique cela, le cheikh, en disant que, eh bien, celui qui vient pour, pour apprendre, il doit éviter, al-muta'allam ici, c'est celui qui vient pour apprendre. Il doit éviter de faire beaucoup de gestes, d'accord ? Il doit être posé, il doit éviter de faire beaucoup de gestes ou quoi que ce soit pour rester concentré. D'accord ? Et il doit éviter aussi, parce qu'il dit « wala yukfiru min al-harakat ou min al-iltifat ». Il doit pas accumuler beaucoup de mouvements, ni se tourner ou quoi que ce soit. Il doit rester bien en face et éviter le plus de mouvements afin de rester concentré. D'accord ? Ou min al-shawaghil allati tushghiluhu an talaqqi al-ilm. Ou bien de s'occuper de choses qui va le distraire de prendre cette science-là. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Puis il a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه إذا جلس واتمأن فله أن يسأله. Donc il dit, puis Jibril s'est mis à questionner le prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit dans cela, donc lorsqu'il s'est assis, ça y est, il s'est assis, il est apaisé là, il est bien, d'accord, il est bien assis et tout cela, il est position correcte. Et donc alors, il le questionne. وَلَا يَسْأَلُوا أَوَّلَ مَا يَأْتِي. Il ne le questionne pas à peine qu'il est venu. Donc, mais là, il a pris le temps de s'asseoir, d'être apaisé, puis questionner. D'accord ? C'est pas, il est encore en train de marcher. Oui, en fait, j'avais une question, voilà. وإنما يجلس أولا متأدبا ثم يسأل. Il s'assoit, puis une fois qu'il est assis, apaisé, tout ça c'est une question de bonne éducation, d'accord ? Alors il questionne. هذه صفة طالب العلم. Ça c'est l'attribut de l'étudiant en science. C'est pour ça que lorsque, si vous rencontrez des mashayikh et tout cela et tout cela, il y a tout un comportement. Lorsque maintenant les qu'on ramenait là-bas au Royaume-Uni des mashayikh qui venaient pour des conférences et des congrès, on a même dans la mosquée, et ce qu'il y avait, c'est que les gens, subhanallah, il y en avait, ils craignent pas Allah azza wa jal. Ils ne savent pas. Le shikh il parle, il explique une chose à quelqu'un et quelqu'un d'autre le coupe. Mais non, il faut lui dire ça, mais non. Subhanallah. Qu'est-ce que je veux dire ? Et il vient d'arriver. Et il est assis comme ça. Et puis, il est là. Subhanallah. Ça, c'est le comportement de l'étudiant en science, c'est comme ça. Parce qu'il donne du respect à celui qui enseigne et tout cela. Et lui, il est quelqu'un de respectueux, de bien éduqué. Et lui, ça nie à c'est quoi ? C'est de prendre du ilm. Donc on prend du ilm en étant concentré. C'est pas en faisant des trucs, en bougeant, ou en dormant. On a même mis s'allonger et dormir, subhanallah. Donc, هذه آداب طلب العلم. Ça, c'est le comportement de l'étudiant en science. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب. Donc il questionne le prophète صلى الله عليه وسلم, alors qu'en vérité, il connaît la réponse. لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه. Mais il questionna le prophète صلى الله عليه وسلم pour enseigner aux sahaba du prophète صلى الله عليه وسلم. D'accord. وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب. Et ça, c'est l'enseignement avec la façon de questionner et répondre. D'accord. Questionner et répondre. Alors l'enseignant, il va questionner et il va répondre par la suite. D'accord. لأنه أنبه للذهن. Parce que ça, ça attire plus l'attention de l'esprit. Lorsqu'il y a une question qui est posée, et donc l'esprit va commencer à essayer de réfléchir dessus, d'accord. Et lorsque la réponse lui est donnée, d'une part, ça attire l'attention, et d'autre part, ça peut même ancrer la réponse dans la tête. فتسأل الطالب أولا ثم تجيب من أجل أن يتنبه. Tu questionnes tout d'abord l'étudiant, puis tu réponds afin que l'étudiant soit averti. D'accord. أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداء فإنه قد لا ينتبه. Mais si juste tu donnes la science, d'accord, eh bien, dès le début comme ça, peut-être qu'il ne va pas avoir l'attention qu'il devrait avoir. D'accord ? فَمِنْ تُرُقِ تَعْلِيمِ الْعِلْمِ النَّافِعَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ. Donc, parmi la façon bénéfique donc, d'enseigner la science bénéfique, c'est le questionnement et la réponse. فَقَالَ اَخْبِرْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ. Il dit, Jibril dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam. Ay, bayyan li haqiqat al-islam. Ça veut dire quoi lorsqu'il lui dit informe-moi sur l'islam? Ça veut dire clarifie-moi la réalité de l'islam, la vérité de l'islam. Liannahu la budda min ma'rifat haqiqat al-islam. Car il est essentiel, il faut connaître la réalité de l'islam. فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام أو يقول أنا مسلم. Donc c'est pas suffisant que l'individu s'affilie à l'islam ou qu'il dise je suis musulman, d'accord. وهو لا يعرف حقيقة الإسلام. Alors qu'il ne connaît pas la réalité de l'islam. لأنه إذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعمل به. Parce que s'il ne connaît pas la réalité de l'islam, il ne peut pas agir dessus. Il ne peut pas agir dessus. S'il ne connaît pas la vérité de l'islam, la réalité de l'islam, il ne peut pas agir dessus. إذ كيف يعمل بشيء يجهله. Comment peut-il agir sur une chose dont il ignore ? D'accord ? Comment peut-il agir sur une chose dont il ignore ? فالإسلام La yakfi fihi l'intisab. L'islam, ça ne suffit pas de s'y affilier. D'accord ? L'islam, la yakfi fihi l'intisab ma'al jahl. Donc ça ne suffit pas de s'affilier à l'islam avec, tout en étant ignorant. بل لابد من معرفة حقيقته حتى يؤديه على الوجه المطلوب. Donc, mais il est essentiel de connaître la réalité de l'islam afin qu'il l'applique et qu'il le met en œuvre comme c'est voulu et comme il se doit. D'accord? قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع اعتقاد القلب وما زاد على هذه الخمسة من الواجبات أو من المستحبات وترك المحرمات والمكروهات فإنه مكمل لهذه الأركان. Donc il dit, le cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam, c'est que tu témoignes, tu attestes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, toute vérité, excepté Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, et que tu établisses la prière, et que tu fasses le pèlerinage à la Mecque, si tu en as les moyens. Cela sont les cinq piliers de l'islam. Et il est essentiel de les appliquer, de les mettre en œuvre avec la croyance du cœur. D'accord ? Il est essentiel de les appliquer, de les mettre en œuvre avec la croyance du cœur. Et ce qui est ajouté en plus par rapport à ces cinq piliers, que ce soit parmi les obligatoires ou les surérogatoires, et qu'il a délaissé les interdits et les choses détestables, alors celui-là a les piliers qui sont complets. On a compris comment avoir les piliers complets, les cinq piliers de l'islam. Ça veut dire qu'il y met en œuvre, il applique les cinq piliers de l'islam. En plus, il fait les obligatoires et les surérogatoires, délaisse les interdits et les choses détestables. Celui-là a les cinq piliers complets. D'accord ? Imma takmilan wajiban. Soit c'est une perfection qui est obligatoire, ou soit c'est une perfection qui est préférable. D'accord ? Recommandée. فهذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام. Ces piliers-là, d'accord ? Ce sont les bases. Les bases sur lesquelles est bâti l'islam, d'accord ? Sur laquelle est l'islam. ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب. Puis, par la suite, donc il y a les cinq piliers. Sur ces cinq piliers-là, c'est sur ça que repose l'islam, d'accord ? Sur ces cinq piliers-là, d'accord ? Puis ensuite, il y a tout ce qui est les obligatoires et les surérogatoires, ou plutôt recommandés, d'accord. أما إذا ترك العبد هذه الأركان أو ترك شيئا منها فلن ينفعه ما عادها من الواجبات أو المستحبات لأنه لم يبني على أساس فالبناء إنما يقوم على أساس. Il dit là, le Cheikh Salah Fawzan, mais celui qui délaisse un des piliers de l'islam, là, d'accord ? Ou qui délaisse un de ces piliers de l'islam, eh bien, ça ne lui sera bénéfique en rien. D'accord ? Ça ne sera bénéfique en rien en dehors de cela. Même s'il fait des choses qui sont obligatoires en dehors de cela et des choses qui sont recommandées. Parce que il n'a pas bâti l'islam sur la base. La base, ce sont les cinq piliers, là. Donc, s'il délaisse un des cinq piliers, il n'aura pas bâti sur ce qui est la base de l'islam. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ça ne sera pas bénéfique. فَهَذِهِ الْأَرْكَانِ لَيْسَتْ هِيَ كُلَّ الْإِسْلَامِ. Donc ces piliers-là, ce n'est pas tout l'islam. D'accord ? وَإِنَّمَا هِيَ أَرْكَانُهُ فَقَطْ وَدَعَائِمُهُ. Mais ceux-là, là, les cinq, ce sont seulement les piliers de l'islam. D'accord ? Ce sont les piliers de l'islam. Ce n'est pas l'islam dans la totalité. وَإِلَّا فَالْإِسْلَامُ وَاسِعُ. Parce que l'islam, c'est large. وَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَتَرْكُ مَنَا عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِسْلَامِ. Tout ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné et tout ce qui est délaissé en délaissant tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, donc en faisant tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné et en délaissant tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, eh bien ça fait partie de l'islam. D'accord ? وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est pour cela que l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Donc il dit, le musulman, c'est celui que les musulmans sont épargnés de sa langue. D'accord ? Le musulman est celui dont les musulmans sont épargnés de la langue de ce musulman-là. D'accord ? De sa langue et de sa main. Wal muhajir est celui qui émigre. Muslimoun. Donc, man salim al muslimoun. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman, c'est celui dont les musulmans sont épargnés de la langue de ce musulman qui est mentionné là. D'accord ? C'est-à-dire, le musulman est celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main. D'accord ? Et celui qui émigre est celui qui a émigré ce qu'Allah Azza wa Jal, c'est, yani, a émigré, a fui, s'est écarté de ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. D'accord ? Fal Islam. Et donc ce hadith-là, là, est rapporté dans les deux sahih, Bukhari et Muslim. Fal Islam yashmalu fi'l al-awamir wa tark al-manhiyat. Donc l'islam, ça englobe quoi ? Faire les obligatoires et délaisser ce qui est interdit. فَإِنْ نَقُصَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْأَرْكَانِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ إِسْلَامِ. Il dit, s'il y a un manque, mais ce manque-là, s'il s'avère que c'est dans l'un des cinq piliers de l'islam, alors son islam n'est pas correct. D'accord ? فَإِنَّهُ يَكُونُ إِسْلَامًا نَاقِسًا بحسب ما ترك والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Donc s'il y a un manque qui est dans un des cinq piliers de l'islam, alors l'islam de cet individu-là n'est pas correct. Mais s'il y a un manque en dehors de ces cinq piliers de l'islam, alors cet individu a un islam qui est moindre. Et Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui croyez, entrez totalement dans l'islam. Entrez totalement dans l'islam. Ça veut dire entrer dans l'islam dans sa totalité. Entrez dans l'islam dans sa totalité. Surat al-Baqarah, verset 208. D'accord ? Otrulu fil islam kulleh. Entrez totalement dans l'islam. فَلَا تَأْخُذُوا بَعْدَهُ وَتَتْرُكُوا بَعْدَهُ. Ne prenez pas certaines choses de l'islam et délaissez d'autres choses. بَلْ يَأْخُذِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْإِسْلَامِ مَا يَسْتَطِيعُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى بَعْدِهِ وَيَقُولْ هَذَا يَكْفِي. Donc il prend le musulman de l'islam donc ce qu'il peut, mais il ne fait pas c'est pas, il va par exemple délaisser les choses et puis en disant qu'en prenant certaines choses et en disant ça c'est suffisant ce que je fais. D'accord ? Donc il doit tout prendre de l'islam. Subhanallah, en plus il y en a les deux autres frères devaient venir. Et Allah Musta'an. Et comme ils ne sont pas venus, parce que sinon j'aurais ramené les Mohamed et Anas. Qadar Allah ma shafa'an. Allah Musta'an. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد. Ah oui, d'ailleurs, même avant que je le dise ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, l'islam. La définition de l'islam, c'était quoi ? Adil. La définition de l'islam. Se soumettre totalement à Allah Azza wa Jal. La définition. Quand je le vois sourire, ça veut dire qu'il va me donner une généralité. La soumission à Allah. La soumission à Allah Azza wa Jal, sans rien lui associer. Par quoi, c'est la soumission ? Ah, par ses cinq piliers. Non, non, non. Il me faut la définition, mais vraiment précise. Plusieurs fois, on l'a vu. Mohsen, peut-être qu'il va connaître la... Je suis pas devant. Non. La soumission à Allah Azza wa Jal par le tawhid. Ensuite, le deuxième. Il y a trois points dans la définition de l'islam. La soumission à Allah Azza wa Jal par le pur monothéisme. Non. Tu n'as pas le droit de souffler, ça vient. Mohsen, la définition de l'islam. L'islam. Alors, l'islam. Déjà, combien il y a de points dans la définition ? Al-Iman. Non. Ça, c'est les. Là, tu me parles du hadith de Jibril. Tu me parles des. Islam, Iman, Ihsan. Non, je dis la définition de l'islam. La définition de l'islam, alors l'islam, c'est. Quelqu'un, il vient, il te dit. Les actions des membres. C'est pas ça que j'entends. Non. Quelqu'un il vient comme ça dans la rue, il dit bonjour, j'aimerais savoir ce que c'est l'islam. C'est adorer Allah. Hein? Il faut que tu sois vraiment précis. Adorer Allah. Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que ça implique l'islam? Alors, ce que j'ai noté, moi, l'islam est l'action des membres ainsi que la langue que tu témoignes de la shahada. En connaissant son sens, connaître son implication. En fait, même la définition qu'on avait donnée, ça c'était la semaine dernière, ça. Ça c'est en concernant l'islam, parce qu'on va en reparler d'ailleurs, sur l'islam lorsque c'est pris tout seul, l'iman lorsque c'est pris tout seul, et l'islam et l'iman lorsque c'est mentionné dans le hadith, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, alors l'islam c'est la soumission, la suggestion à l'obéissance à Allah. Barakallahu fiq. Se tient aux ordres de son Seigneur. Oui, et il manquait un point. Sans rien lui associer. Oui, mais. Donc c'est. Barakallahu fiq, c'est ça, c'est le début, c'est cela. L'islam, huwa. Et on le verra dès qu'on fera, inshallah, les trois fondements. Huwa l'istislamu lillahi azza wa jal bit tawhid. C'est la soumission à Allah azza wa jal par le pur monothéisme. Wa l'inqiyadu lahu bit ta'a. Et donc la suggestion à l'obéissance à Allah azza wa jal. Donc cette soumission à Allah azza wa jal par le pur monothéisme, que tu n'adores qu'Allah azza wa jal, elle te mène à obéir à Allah. Parce que tu t'es soumis à Allah. Donc tu lui obéis. D'accord ? Et que tu te désavoues de l'associationnisme et de ces gens. Ça, c'est important, le désaveu. Il n'y a pas de désaveu. Ça ne pèse pas. Celui qui dit la ilaha illallah, mais qui ne fait pas de désaveu. D'accord ? Hanifi, on avait vu, c'est quoi, hein ? C'est la sincérité dans le pur monothéisme et le désaveu du polythéisme. D'accord ? C'est important qu'il y ait le désaveu. Non, la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est exactement ça. C'est l'alliance, le désaveu. Après, le deuxième point, c'est comme le premier, non ? Parce qu'on ne peut pas. Enfin, shirk, c'est aussi. Ashhadu an la ilaha illallah. Donc, c'est pas deux choses. Ouais, ashhadu an la ilaha illallah. Exactement, je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration de toute vérité excepté Allah. Effectivement, tu te désavoues là. Tu te désavoues de l'associationnisme. Et là, tu attestes que l'adoration doit être vouée qu'à Allah. Parce que ça, c'est l'adoration en toute vérité. Parce que d'autres choses sont adorées en dehors d'Allah, mais avec fausseté. Parce que ce sont des créatures. Et comme Allah est le seul créateur, seul lui mérite l'adoration. Donc certes, dans la ilaha illallah, il y a exactement ce que tu dis, barakallahu fik, il y a le désaveu aussi de l'associationnisme. D'accord ? Et il y a l'alliance, donc, qui est l'adoration à Allah Azza wa Jal. On s'allie avec ceux qui adorent Allah Azza wa Jal. L'alliance et le désaveu, on le trouve dans les shahadatayn, on le trouve dans la définition de l'islam. L'islam, c'est cela. C'est-à-dire, et c'est comme dans, vous vous en souvenez, ce que Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'avait mentionné, sur le fait qu'aujourd'hui, l'amour, si on aime quelqu'un, ou si on aime quelqu'un, on ne l'aime qu'en Allah. Il n'est pas, en islam, il n'est pas correct d'aimer pour autre qu'Allah. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, les mashaykh, ils disent, Cheikh Salah Fawzan, Habibullah, il avait mentionné, que si quelqu'un, par exemple, ne te donne pas quelque chose de dunya, il ne te la donne pas, d'accord ? Ou il refuse de te la donner, est-ce que tu le détestes ? La réponse est non. Soit tu l'aimes en Allah, soit tu le détestes en Allah. Si tu l'aimes en Allah, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime la sunna, qui fait ses efforts pour suivre la sunna, tout ça. Tu le détestes en Allah si tu vois que c'est quelqu'un qui combat la sunna, qui est un ennemi de la sunna, qui est un mubtadi'. D'accord ? Donc, l'amour, ou bien tu le détestes en Allah si c'est un kafir, yukfir billah, ou un mushrik et tout cela. D'accord ? Tu aimes en Allah ceux qui adorent Allah et tu détestes en Allah ceux qui opposent tout cela. Tu aimes en Allah ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, et tu détestes en Allah tous ceux qui l'opposent. Donc tout se base sur l'amour en Allah et le détester en Allah, yani c'est qu'au niveau religieux, c'est pas au niveau de dunya. D'accord ? C'est pas correct de détester quelqu'un parce que par exemple, il t'a pas donné quelque chose. Si tu le détestes que pour ça, c'est pas correct. Et ça ne t'est bénéfique en rien. Mais toi, tu te rapproches d'Allah lorsque, par exemple, quelqu'un qui t'a privé d'une chose, c'est pas tu le détestes parce qu'il t'a privé d'une chose. Tu le détestes parce que déjà, yukfur billah, celui-là, ou bien il déteste ou il combat la sunna, ou bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu aimes quelqu'un, c'est pas parce qu'il t'a donné quelque chose, ou il t'a donné un cadeau, il est gentil avec toi, ou quoi que ce soit. D'accord ? C'est pas au niveau de la dunya, c'est au niveau de la aqida là. C'est-à-dire que si cet individu-là, tu l'aimes, c'est parce que tu l'aimes en Allah. Tu l'aimes comment il s'accroche à la sunna, comment il unifie Allah dans l'adoration, comment il invite les gens au bien. Il y en a tout cela. Tu vois que quelqu'un qui s'affilie à la sunna, qui aime la sunna et qui fait ses efforts pour la suivre, alhamdoulilah, tu l'aimes en Allah. Tu vois ? Donc tout se base sur cela. Mais ce n'est bénéfique en rien de aimer ou détester pour autre qu'Allah. Bénéfique en rien pour une dunya ou quoi que ce soit, ce n'est pas correct. Donc le désaveu, barakallahu fik, il se trouve aussi dans les deux attestations de foi. Que ce soit on se désavoue du shirk ou on se désavoue de la bid'a dans la deuxième attestation de foi. D'accord ? Donc, l'islam, c'est quoi alors ? C'est la soumission à Allah. Par le pur monothéisme. Par le pur monothéisme, la sujétion à l'obéissance. Et l'obéissance, d'accord, à Allah. Et en se désavouant de. Et le désaveu de l'associationnisme de ces gens. D'accord ? Hada ta'rifuhu al-'am. Ça, c'est donc la signification de l'islam générale. D'accord ? كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما mentionné شيخ الإسلام بن تيمية ونقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول et comme l'imam محمد بن عبد الوهاب l'a mentionné dans les trois fondements. هذا هو الإسلام بمعناه العام. Donc ça c'est l'islam dans sa signification qui est générale. D'accord. وهذه الخمسة هي أركانه ودعائمه. Et ces cinq là, ces cinq piliers là, ces cinq, eh bien, ce qu'on a mentionné, les deux attestations de foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj, eh bien, ce sont ces piliers. D'accord ? Ce sont les piliers de l'islam. فليست هي كل الإسلام. Donc, ce n'est pas tout l'islam, comme on l'a mentionné, avec notamment le musulman et celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de ses mains. D'accord ? Et comme va le détailler aussi Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah, comme on le verra, inshallah. Voilà, c'est ça, barakallahu fi. Donc il dit, c'est la soumission à Allah par le pur monothéisme, la sujétion, l'obéissance donc à Allah, et le désaveu de l'associationnisme et de ses gens. Ça, c'est la définition générale de l'islam. D'accord ? Et il dit... Ces cinq piliers-là, d'accord ? Donc, les cinq-là, les cinq piliers qu'on a vus, eh bien, ce sont les piliers de l'islam. D'accord ? Et donc, ça n'englobe pas tout l'islam, d'accord ? Ce sont ces piliers. Donc, c'est la base sur laquelle se base l'islam dans sa totalité. Bal hiya mabanih. Mais donc ce sont donc ces fondations, les fondations de l'islam. Donc c'est comme ta maison, tu viens pour construire ta maison, il te faut les fondations qui sont fortes pour qu'elles tiennent. Si tu n'as pas ces fondations-là, si tu n'as pas ces cinq piliers-là, ça ne tient pas. D'accord ? كما في حديث ابن عمر الآتي قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس كما في الحديث qu'on verra par la suite de ابن عمر رضي الله عنه qu'Allah soit satisfait de lui où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'islam est bâti sur cinq d'accord شهادة لا إله إلا الله الحديث donc l'islam est bâti sur cinq l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Donc ce hadith là. فهذه الخمس هي مباني. Donc ces cinq là ce sont les fondations de l'islam. أي قواعده. Ce sont donc ses règles. وأساسته. Et ce sont ses bases. D'accord ? كما نقولوا dans le بناء أساس. Tu vois ? حفر الساس là. Il a creusé les bases, il a mis en place les bases. Tu veux construire ta maison, il faut qu'elle soit sur des bases fortes. Et bien là, c'est, si on peut donner cette image-là, là les bases donc de l'islam, ce sont ces cinq piliers. D'accord ? فَذَكَرَ أَنَّ الْإِسْلَامِ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ. Donc il a mentionné que l'islam, c'est cinq piliers. وَهِيَ شَهَدَةُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ faire la prière, وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ donner la zakat, donc l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, et établir la prière, donner la zakat, et jeûner le mois de Ramadan, et faire le pèlerinage, le hajj baytullah al-haram, liman istata' ilayhi sabila hadhihi al-arkan al-zahira. Donc ça, ce sont les cinq piliers, que ce soit les deux attestations de foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, et le hajj, le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. Ce sont les cinq piliers de l'islam qui sont apparents. Qui sont apparents. Ah oui, c'est l'heure du dhuhr d'ailleurs. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, puisqu'on va continuer. J'allais enchaîner sur la parole du Cheikh Mohamed Ibn Jami, mais on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Donc on s'arrête là, et puis la semaine prochaine, on continuera. Barakallahu fikum. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.